comme un jour solaire sur la planète France. Et je sors doucement de mes rêves, je rentre dans la danse. Comme toujours, il est 8h du soir, j'ai dormi tous les jours. Je me suis encore couché trop tard, je me suis rendu sourd encore. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque les hommes crèvent sous les ponts, et ce monde s'en fout. Puisqu'on est que des pions, contents d'être à genoux. Je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour. encore couché trop tard, je me suis rendu sourd encore. Allez, puisqu'ils sont vieux et fonds, puisque les hommes crèvent sous les ponts, puis ce monde s'en fout, puisqu'on n'est que des pions, content d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour. Capot en deuxième. capot, c'est bizarre. J'entends parcourir son corps et pleurer sa voix, son visage. C'est aigu, putain, comme ça. J'ai longtemps parcouru son corps, pleuré sans froid, sans visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois le jeu dessine encore, elle fait partie de moi. Sans capot, c'est mieux. Il a une voix de tapette, c'est pas possible celui-là. Oh pardon, faut pas dire ça. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré sans froid son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore. Des parties de moi. Je veux juste une dernière danse. Entre l'ombre et l'indifférence, la vertu. Je veux juste...